la déesse. Elle aime les hommes, les forts, les puissants. Et les sous, ça n'est pas ce qui l'intéresse. On a discuté jusqu'au matin très tôt. Elle a fermé les yeux et m'a dessiné ma façon de faire, mon regard, l'ont bougé. Elle m'a dit l'amour c'est quand t'es fasciné. Je reste hôtel trop longtemps avec toi. Tu rigoles, tu pleures, je voudrais tout faire avec toi. Et puis les frissons comme ma main se pose sur ton dos. Tu m'as dit personne ne t'a jamais fait ressentir toute ça. Toute l'après-midi, oui ça fait bang bang. Ma main ressort de la sueur sur ton dos. Quand je suis pas là, viens pas m'étonner. Tu fais que penser à ce qu'on s'est donné. Un flagrant délit, j'ai braqué ton cœur. Je suis dégoûté comme quand les keufs m'ont claqué. Se fait une raison, le cœur est blessé. T'es la plus bonne, mais tout ça va nous dépasser. C'est vrai, c'est fort, mais y'a des choses qui ne me plaisent pas. Tu connais le titre, mais pas le trafiquanté. Tout le monde te veut, t'es un peu comme Elvira. Ma prochaine petite fille, elle s'appellera Nina. Tous les mecs ne savent pas comment t'impressionner. T'es tellement parfait qu'il faudrait peut-être te cloner. Et ton ex qui t'aime encore, oui Maria. Je vais te laisser, rêve en faire au revoir un dia. Je reste hôtel trop longtemps avec toi. Tu rigoles, tu pleures, je voudrais tout faire avec toi. Et puis les frissons comme ma main se pose sur ton dos. Tu m'as dit personne ne t'a jamais fait ressentir toute ça. Toute l'après-midi, oui ça fait bang bang. Ma main ressent de la sueur sur ton dos. Quand je suis pas là, viens pas m'étonner. Tu fais que penser à ce qu'on s'est donné. Un flagrant délit, j'ai braqué ton cœur. Je suis dégoûté comme quand les keufs m'ont claqué. Se fait une raison, le cœur est blessé. T'es la plus bonne, mais tout ça va nous dépasser. Je le sais, j'y arriverai pas. Des fois je me dis que je suis maudit. Ou peut-être que je te mérite pas. Je n'oublie pas ce qu'on s'est dit. Les embellis, ça n'est qu'une fois. Peut-être la femme de ma vie. C'était digne de la mafia. Mais tout ça c'est fini. Toute l'après-midi, oui ça fait bang bang. Ma main ressent de la sueur sur ton dos. Quand je suis pas là, viens pas m'étonner. Tu fais que penser à ce qu'on s'est donné. Un flagrant délit, j'ai braqué ton cœur.